La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, vous le savez, France Inter et Combini consacrent une deuxième journée au plastique, véritable fléau pour le climat, les écosystèmes marins et notre santé. Et nous avons choisi pour cette tête au carré de nous intéresser donc à la question du plastique et des enfants, pour évoquer à la fois les dangers de l'exposition au plastique sur la santé des plus petits, mais aussi l'éducation, le recyclage et les bonnes pratiques pour limiter le plastique au quotidien. J'attends bien sûr vos messages et vos questions dès maintenant. Vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé LATAC. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une, on revient sur le scandale des jumelles chinoises génétiquement modifiées nées en novembre dernier, on s'en souvient. Oui, et une étude parue lundi apporte une nouveauté inattendue à cette histoire. Ces deux enfants pourraient avoir une espérance de vie diminuée par la mutation dont elles sont porteuses. On en discute dans un instant avec notre invité. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Le plastique et les enfants, dossier de la tête au carré donc cet après-midi dans le cadre de la journée spéciale. Et pour en parler, je reçois en studio à Paris le médecin biochimiste et toxicologue Robert Barouki et Karine Balzo, docteur en médiation scientifique et formatrice en éco-citoyenneté. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Et puis en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, Jérôme Santolini, chercheur en biochimie. Bonjour à vous. Bonjour. Jérôme Santolini, les scientifiques dénoncent le danger des perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques et pourtant ils sont toujours massivement employés, en particulier dans les cantines de nos écoles. C'est votre cheval de bataille actuellement ? Alors ça l'est depuis plusieurs années maintenant, puisque c'est finalement l'aventure d'un certain nombre de parents tout dans la France entière, dans plusieurs villes de France, qui se sont aperçus en fait que la restauration scolaire avait été le lieu d'une invasion du plastique tout au long en fait de la chaîne d'alimentation, que ça soit dans la cuisson, dans le stockage, dans la réchauffe et dans le service. Nos enfants étaient exposés en permanence au plastique et en fait aux molécules qui migraient du plastique vers les aliments. Oui, et donc on va en parler avec vous évidemment puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et vous êtes très actif en la matière avec votre collectif. Karine Balzo, l'arrivée d'un enfant, eh bien c'est, on le verra avec vous, tout un univers de plastique qui débarque à la maison. Hein. Bah oui, si jamais on n'était pas envoyé avant, c'est sûr, quand les enfants arrivent, on est complètement envahi par le plastique dès la maternité. Donc le meilleur moyen, c'est d'essayer de s'en débarrasser. Et il y a des solutions pour ça, c'est ce que vous allez nous proposer. Robert Barouki, de quelle façon les enfants sont-ils exposés, alors plus généralement, parce qu'on va parler de santé environnementale avec vous, à ces plastiques ? Essentiellement par l'alimentation, par l'eau, la contamination, mais aussi par le contact direct. Hein. Mais bon, essentiellement, c'est vraiment quelque chose qui passe par l'alimentation, et puis par les jouets, par toute une série de choses qu'on utilise à la maison. Et puis, il ne faut pas oublier l'exposition de la maman, notamment pendant la grossesse, qui est une vraie problématique. C'est une façon d'exposer aussi les enfants. Voilà, exactement, et de programmer un certain nombre de choses. On y reviendra. Allez, on va en parler avec vous, et puis bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Il y a quelques semaines, deux jolies petites filles chinoises du nom de Lulu et Nana sont venues au monde en aussi bonne santé que n'importe quel autre bébé. Voilà, c'était la voix de He Jiangqiu, le scientifique à l'origine de la naissance de ces deux enfants nés modifiés génétiquement donc en Chine. C'était en novembre. L'annonce avait provoqué, on s'en souvient, un tollé mondial. Et aujourd'hui, une nouvelle étude, Axel, nous montre l'étendue de notre ignorance concernant la manipulation du génome humain. Oui, Mathieu. Alors, on va commencer un petit rappel des faits. Lulu et Nana sont nés avec une mutation génétique censée les protéger contre le virus du sida. Elles sont devenues, malgré elles, les deux premières humaines génétiquement modifiées de l'histoire. Mais aujourd'hui, une étude paru dans la revue Nature Medicine suggère que la mutation dont elles sont porteuses sur le gène CCR5 est associée avec une plus courte espérance de vie. Une aberration médicale de plus dans cette histoire dont on discute avec vous, Hervé Schneves, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'éthique de l'INSERM, où vous suivez depuis novembre les très nombreux débats qui ont suivi cette première. Alors cette étude parue lundi estime l'espérance de vie des personnes porteuses des mêmes mutations que ces petites filles en population générale. Pourquoi est-ce qu'elle arrive après leur naissance? La logique aurait voulu qu'elle arrive avant, non? Alors, c'est toujours la même histoire. On focalise son attention sur ce qui paraît le plus important. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Il est connu depuis plus de 20 ans que cette variation sur ce récepteur qui s'appelle CCR5, qu'on appelle Delta 32, est associée à une plus forte résistance à l'infection par le VIH. Mmh. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un patient qui était infecté par le VIH, qui a eu aussi une maladie maligne, un cancer, une leucémie myéloïde aiguë, et qui, pour le traitement de cette maladie, a été traité avec une greffe de moelle, et cette greffe de moelle a utilisé les cellules d'un donneur qui avait cette délétion Delta 32. Et de façon spectaculaire, le patient a été guéri du VIH. Il a d'ailleurs, de façon très chanceuse, était aussi guéri de sa leucémie. Depuis, malheureusement, il y a eu peu d'exemples qui ont été de même, sauf l'an dernier où de nouveau, il y a eu un patient qu'on appelle le patient de Londres qui, pour une autre maladie de type leucémique, un lymphome de Hodgkin, a pu être guéri apparemment du sida dans les mêmes conditions. Donc il y a eu une focalisation sur l'association entre ce mutant qui fait disparaître le récepteur CCR5 de la surface des cellules qui nous protègent du virus. Et on s'est dit, voilà peut-être un moyen de soigner ou de guérir le sida. Alors il y a une grande différence entre soigner ou guérir une maladie particulièrement grave et puis essayer d'intervenir sur le génome, alors que nous savons très bien que ce récepteur CCR5, comme il est impliqué dans la communication entre nos cellules qui nous défendent contre des agressions de l'environnement, sert à quelque chose. Et on sait que, depuis longtemps, que ces personnes qui ont le variant Delta 32 sont beaucoup plus sensibles à d'autres virus, et en particulier aux virus de la famille influenzae, c'est-à-dire les virus de la grippe. Alors, dans les faits, pour être un peu précis par rapport à l'étude, combien d'espérance de vie théorique ces jumelles auraient perdu avec cette mutation ? Alors, les chercheurs ont utilisé une grande cohorte de 400 000 Britanniques, et ils ont observé que si on cumulait entre 40 et 76 ans, il y avait 20% d'espérance de vie diminuée quand les personnes étaient porteurs du variant Delta 32. Et si on ramène au sida, le coût en espérance de vie lorsqu'on est atteint du virus aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore ? Il faut voir que dans la population britannique étudiée, c'est à peu près 12% de la population qui est porteur du Delta 32, alors que la population infectée par le VIH, c'est 0,16%, c'est-à-dire 1000 fois moins de personnes. Donc, si on veut résumer quand même assez rapidement, en voulant les protéger, il a diminué leur espérance de vie, ce chercheur, quand même. Alors, il faut rappeler qu'il ne les a absolument pas protégés parce qu'il a créé une mutation qui n'a rien à voir avec Delta 32. Il a joué aux apprentis sorciers sur le plan scientifique. On ne sait pas maîtriser la technique d'édition du génome chez l'embryon. Donc, scientifiquement, c'était un scandale. Médicalement, on a des moyens de prévenir l'infection par le VIH. Et je rappelle que c'est une infection grave, mortelle, et que le meilleur des traitements contre le VIH, c'est la prévention, c'est de se protéger de l'infection. Et puis, il n'y avait aucune pertinence sur le plan sociétal, car avant d'intervenir sur le génome, et l'étude de Nature Médecine le montre, il faut un large débat dans la société pour savoir pourquoi on le ferait, et dans quelles conditions on le ferait, et quand éventuellement on le ferait. Justement, Hervé Schneves, concernant ce débat plus large, est-ce que cette étude nous apprend quand même quelque chose en plus pour nourrir ce débat, cette étude qui arrive 8 mois après ? Oui, ça nous montre la puissance de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la médecine génomique. Alors, en France, on a un plan médecine génomique 2025. On peut regretter qu'il soit très en retard sur le plan britannique, puisque nous, on espère avoir fait quelques milliers de génomes à la fin de l'année, alors que là, les chercheurs ont travaillé sur 410 000 génomes qui existent déjà dans la base anglaise. C'est uniquement avec ces larges cohortes qu'on peut utiliser dans des conditions strictement encadrés, parce que ce sont des chercheurs professionnels qui respectent la privacité des données personnelles, qu'on peut arriver, grâce à cette loi des grands nombres, à obtenir des résultats qui seraient inattendus. Et je suis sûr que dans la suite de l'émission, vous parlerez encore des questions de big data, parce que si on veut comprendre aussi l'impact de certains polluants, de certains facteurs de l'environnement, il faut aussi collecter des données de santé sur des larges cohortes. Vous disiez faire des génomes, ça veut dire quoi exactement, Hervé Schneves, pour nos auditeurs ? Ça veut dire que nous confions à une structure qui est une structure publique, ça l'est en Grande-Bretagne, ça l'est en France avec le plan médecine génomique 2025, la séquence de notre génome avec des règles qui sont des règles de consentement, mais qui protègent la vie privée, mais dans lesquelles on va pouvoir combiner les informations issues de ce génome, certaines informations, et puis des données de santé qui vont depuis la sensibilité à telle ou telle infection ou tel polluant atmosphérique jusqu'à l'espérance de vie et dans quelles conditions vous vivez. Est-ce que réellement, un jour, vous pensez qu'on pourra affirmer sans sourcil avoir tout compris d'un gène et de ses expressions pour envisager le modifier ? Ça vous semble possible ? Jamais. Jamais le génome n'a rien de magique. Il y a une séquence qui permet un certain nombre de choses, mais ce qui fait notre vie, c'est l'interaction entre le génome et l'environnement. Et cet environnement, il est toujours changeant. Et le VIH, par exemple, n'a pas existé de tout temps. Il est apparu il y a peut-être un siècle. Donc, notre génome aura toujours, grâce à sa plasticité, grâce à ce qu'on appelle l'épigénétique, grâce à sa dynamique, à s'adapter. Il n'y a rien de magique parce que des parents aux enfants, il y a entre 40 et 80 mutations qui surviennent à chaque génération. C'est l'évolution des génomes. Certaines sont éliminées, n'ont pas de sens, d'autres sont conservées. Le génome n'a rien de magique, mais il est là pour permettre à notre corps certaines adaptations, dans certains cas des adaptations qui sont bénéfiques, dans d'autres cas, ça sert de porte d'entrée à des microbes ou à des virus qui cherchent à nous attaquer. Il faut toujours raison garder et voir comment on peut aborder une question. En tout cas, tout savoir, un instant T peut-être, définitivement jamais. Merci Hervé Schneves, vous êtes le président du comité d'éthique de l'INSERM. Vous étiez à la une de la science aujourd'hui. Merci beaucoup Axel. Merci. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, un champignon génétiquement modifié pour lutter contre le paludisme. Voici la bonne nouvelle, imaginée par des scientifiques burkinabés américains, testé dans une serre de 600 mètres carrés pendant un mois. Ce champignon a permis d'éliminer 99% des moustiques relâchés pour l'expérience. Modifié pour produire une toxine inspirée du venin d'araignée, ce champignon est un parasite naturel du moustique. Les chercheurs l'ont simplement rendu plus efficace. Ainsi, dans cette expérience sous contrôle, aucun autre insecte comme les abeilles également relâchées sous la serre a été infecté par le champignon. Godzilla, le mythique monstre japonais dans la 35e adaptation cinématographique sur la semaine prochaine, n'en finit plus de grandir, selon une analyse menée par un biologiste de l'évolution anglais qui s'est amusé à tracer sa courbe de croissance. Le roi des monstres a doublé sa taille depuis sa première apparition en 1954, passant de 50 mètres de haut à 120 mètres pour le dernier opus. Est-ce le reflet de la peur croissante des hommes en la fin du monde ? Il pose simplement la question dans le magazine Science cette semaine. Et puis pour terminer, une visualisation inédite du ciel grâce à l'instrument NICER embarqué à bord de l'ISS. La NASA a dévoilé hier une cartographie des sources émettrices de rayons X dans l'univers. Une image qui ressemble à un feu d'artifice et qui représente les lignes les plus empruntées par les particules de très haute énergie émises par le plus massif des objets de l'univers. La photo obtenue après 22 mois de pause est visible sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, le plastique et les enfants, c'est notre dossier dans un instant. Alors c'est quoi que j'appelle ? Chaque fois, je remets ça. 1, 2, 3, ça revient. Alors c'est quoi Catherine Ringer bien sûr et Lerita Mitsouko. La tête au carré, Mathieu Vidard. Le plastique et les enfants, donc dossier de l'émission cet après-midi à l'occasion de la journée spéciale sans plastique sur France Inter avec Combini. Pour en parler, Robert Barouki est avec nous en studio. Vous êtes médecin, biochimiste et toxicologue à l'INSERM. Karine Balzo également, docteur en médiation scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous êtes surtout formatrice maintenant en éco-citoyenneté pardon, et auteur du livre « Défi zéro déchet » publié aux éditions Rustikide. Et puis Jérôme Santolini, vous êtes en duplex avec nous des studios de France Bleu à Bordeaux. Vous êtes chercheur en biochimie au CEA, mais également parent et membre de cette association Cantine sans plastique, co-auteur de ce livre « Pas de plastique dans nos assiettes » publié aux éditions du Détour. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages, des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Jérôme Santolini, on en parlait hors antenne avec nos invités ici en studio à Paris. Il y a quand même une prise de conscience là. On sent que cette question en particulier du plastique est ultra concernante et tout le monde s'en inquiète maintenant. Est-ce que vous l'observez également autour de vous ? Jérôme Santolini, on n'a plus de retour. Allô, Jérôme Santolini, vous êtes avec nous ? Non, il n'est pas avec nous. Alors, Robert Barouki, je vais vous poser exactement la même question, puisque vous avez une réponse à nous donner. Écoutez, d'abord, sur le plan scientifique, les choses avancent pas mal et on en parlera, mais aussi quand on voit ces continents de plastique dans les océans, on sait que les poissons mangent du plastique, on mange les poissons, donc il y a un sentiment qu'on est en train vraiment d'être contaminé, et donc une prise de conscience qui est, je pense, beaucoup liée à ça. Oui. Karine Balzo, vous avez vu le changement aussi ? C'est plus facile aujourd'hui de faire de l'éco-citoyenneté. Alors le changement, on le voit tous les jours en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en mutation, mais il y a encore énormément de progrès à faire. Et de votre côté, Jérôme Santolini, quelle est votre analyse sur le terrain, là, puisque vous travaillez beaucoup aussi avec les familles ? On a été étonné en fait du manque d'informations en fait sur la pénétration du plastique dans nos vies, en particulier dans l'alimentation. En particulier quand on parle aux parents et qu'on leur explique que, comment ça marche à la cantine, tout le monde tombe des nues. Personne n'a idée qu'aujourd'hui les plats sont cuits dans des poches en plastique pendant 2-3 jours. Ouais. Et donc la clé quand même de cette sensibilisation à la problématique du plastique, c'est l'information. Oui. Alors justement, Karine Balzo, quand on parle de l'arrivée du plastique au moment justement où un enfant arrive dans la famille, qu'est-ce qu'on peut observer comme changement, comme mutation précisément dans ce domaine alors ? Dans la maison par exemple, si on fait l'inventaire pièce par pièce, on se rend compte que le plastique a absolument tout envahi. On peut commencer par la salle de bain, avec les couches. Déjà les couches c'est un gros spot quand même. Aujourd'hui il y a des solutions, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a tout ce qui va être lié à l'alimentation aussi dans la cuisine, les biberons. Bien sûr, on a beaucoup parlé du bisphénol, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des plastiques qui migrent. Et puis, il y a tout ce qui concerne le jeu aussi. Des petits, on donne des tétines, on met des jouets dans le bain qui sont en plastique. On a tout un tas d'univers qu'on crée autour de l'enfant qui est entièrement plastique parce que c'est pas cher, parce que c'est souple, ça ne blesse pas quand on le lance. Et donc, on le laisse petit à petit grignoter tout dans nos vies. Voilà, donc il faut essayer de changer au maximum les habitudes aujourd'hui. Les études scientifiques, Robert Barouki, dans ce domaine sont très claires aujourd'hui sur les... D'abord, est-ce qu'on doit parler vraiment de dangers liés à ces jouets, à ces équipements en plastique, ou est-ce qu'il faut garder une certaine mesure ? Vous savez, en toxicologie, on distingue un peu la notion de danger, c'est-à-dire est-ce que quelque chose est potentiellement toxique. Et là, je pense qu'on peut dire que c'est le cas d'un certain nombre, en tout cas, de plastique par rapport au risque. C'est-à-dire, est-ce que dans l'utilisation courante qu'on a d'un objet, est-ce qu'on s'expose vraiment à cet objet ou pas ? Et donc, là-dedans, là, il y a des, disons, des évaluations qui peuvent un peu varier et les agences ne sont pas toutes d'accord entre elles. Malgré tout, on a une préoccupation pour toute une série de composants de plastique, comme les bisphénols, on vient de les citer, et les phtalates aussi. Et donc là, on peut penser qu'ils sont probablement des perturbateurs endocriniens, et donc à ce titre, il faut s'en méfier. Alors c'est une question d'auditeur, Jean-Paul, qui demande justement quelles sont les conséquences d'exposition aux phtalates, et que sont les phtalates ? On peut peut-être le rappeler également, Robert Barouki, au passage. Les phtalates sont des additifs à certains plastiques, notamment les PVC. Ils sont présents souvent dans des plastiques souples, mais certains phtalates sont aussi présents dans des cosmétiques et ailleurs. l'endroit où on ne pense pas nécessairement à du plastique. Et il y a plusieurs phtalates, tous ne sont pas équivalents en termes de toxicité. Certains phtalates ont une action principalement d'opposition à l'hormone mâle, qui est la testostérone. Et donc, ça veut dire quoi, une action d'opposition alors? C'est-à-dire ils empêchent la testostérone d'agir normalement ou ils diminuent sa quantité. Ça dépend des systèmes expérimentaux. Il y a plusieurs mécanismes possibles. Et donc, on les incrimine dans le développement de tout le système de reproduction, la fertilité. Mais aussi, par ailleurs, il y a des arguments pour dire qu'ils pourraient être impliqués dans des problèmes de maladies métaboliques et d'obésité, et aussi du développement neurocomportemental donc de l'enfant, justement. Ouais. Alors, on les retrouve où, ces phtalates, exactement? Les plastiques, en fait, tout ce qui est plastique souple, par exemple, bon, prenons l'exemple dans les hôpitaux, on en trouvait pas mal, on en trouve encore sans doute, mais je veux dire, là, mais en fait, dans beaucoup d'autres instruments plastiques assez souples à la maison, tout ce qui permet de... Alors là, c'est plus réglementé, tout ce qui permet le contact alimentaire. Et puis, surtout, on les trouve aussi dans des cosmétiques et ailleurs, pour d'autres applications. Alors, Robert Barouki, les effets délétères de ces phtalates, donc on a bien compris, qu'on trouve quand même dans les objets de la vie courante, ils sont problématiques à partir de quel moment, finalement? C'est une question de dose. Comment on évalue justement leur dangerosité? Alors, il faut avouer que dans ce domaine, il n'y a pas un consensus absolu dans la communauté scientifique. Donc, mais on a quand même des arguments pour dire que pour certains composés comme les phtalates ou le bisphénol, à des doses assez faibles et à certaines époques de la vie, il pourrait avoir un effet néfaste et notamment donc comme on l'a cité tout à l'heure sur toute une série de conséquences pathologiques comme le développement neurocomportemental de l'enfant, les maladies métaboliques et les problèmes de reproduction et d'infertilité. Donc la discussion se fait sur est-ce que les doses auxquelles nous sommes exposés naturellement, de manière ordinaire. Est-ce que ça suffit pour enclencher ou pas? Il y a des arguments pour dire que c'est le cas. Il y a des agences qui, elles, regardent plutôt des tests dits réglementaires assez stricts et qui ne trouvent pas exactement la même chose. Donc, la discussion est toujours ouverte, mais je pense qu'il y a le risque est là et donc il faut quand même s'en méfier. Ouais. Jérôme Santolini, alors vous, je rappelle que vous êtes chercheur en biochimie. On sent bien que le message scientifique, il est compliqué à faire passer parce que on a bien compris qu'il y avait des effets délétères, mais à partir de quand est-ce qu'on peut parler de danger? Dès la maternité, par exemple, il y a toute une exposition des personnes et des enfants au plastique qui commence. Bien sûr, je pense que même si vous dosez le sang dans l'ensemble des personnes dans le studio, où vous verrez que la présence de phtalates, de bisphénol, 90% des enfants anglais qui ont du bisphénol A dans le sang. Donc on est tous d'une certaine manière imprégnés par ces molécules qui migrent à partir du plastique. La problématique est différente ici parce qu'on cible des populations d'enfants qui sont des populations vulnérables de façon différente. D'abord, ils sont plus petits, donc la dose qu'ils prennent proportionnellement est beaucoup plus importante. Et ça sera un poids sur leur santé à deux niveaux. D'abord, tout de suite, maintenant, dans leur enfance, avec des problèmes de puberté précoce, de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles du métabolisme, mais aussi tout au long de leur vie. C'est un problème de santé publique, car ces molécules vont avoir des effets à très long terme, effet qu'il est très difficile aujourd'hui effectivement de caractériser, ce qui explique, comme le disait M. Barouki, la difficulté des agences des agences sanitaires françaises et européennes de se positionner sur ces questions. Elles n'ont pas encore les outils scientifiques, techniques pour pouvoir trancher sur ces questions d'exposition chronique ou d'exposition à faible dose. Ouais, alors ça, c'est un vrai problème, Jérôme Santolini, parce qu'on sent bien aujourd'hui que justement la société, les parents, évidemment, sont en première ligne pour s'intéresser et se préoccuper de ces questions-là. Et finalement, la science a du mal à y répondre et à formuler des messages clairs. Non, Robert Barouki, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. La science, c'est normal, c'est un problème difficile. Monsieur Santolini vient de le dire, parce que il y a un temps qui s'écoule entre l'exposition à ces substances, phtalates ou bisphénol, et l'apparition des effets potentiels cliniques. C'est parfois des dizaines d'années. Donc c'est difficile sur le plan scientifique. Cela dit, la science a donné un certain nombre d'arguments. Ils sont peut-être pas définitifs pour dire « je suis absolument sûr que tel phtalate va causer tel cancer ou telle maladie métabolique ou autre », mais il vous donne un certain nombre d'arguments et puis on a une arme qui est le principe de précaution. Quand on a suffisamment d'arguments, ça n'empêche pas la décision. Jérôme Santolini. Oui, je voulais, j'irais même un peu plus loin que Monsieur Marouki sur cet aspect-là. Je parlerai plutôt de principe de prévention, parce qu'effectivement, on a des données scientifiques. Il y a des points où il y a absolument aucune controverse, et en particulier sur certains types de phtalates. Hein, je pense au DEHP, au DBP. On les trouve dans quoi On les trouve dans quoi Alors, vous devez vous rappeler de cette histoire des jouets pour enfants, les tapis de sol que les enfants ont su sauter, et qui étaient bourrés de phtalates et qui ont été interdits. D'une certaine manière, des jouets pour enfants, ainsi que d'autres composés de la vie quotidienne. Mais ils sont toujours autorisés dans les matières en contact alimentaire. Il y a des petits pots, c'est ça, pour bébés, hein, qui en contiennent. Les petits pots, mais même les poches de cuisson dont je vous parlais, vous pouvez mettre du DBP, du dibutylphtalate, dans ces poches de cuisson, ça n'est pas interdit. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement d'une certaine manière, parce qu'on a des informations scientifiques sur la dangerosité et les risques, hein, les deux, de l'exposition à ces produits, et rien n'est fait. Alors justement, on le disait tout à l'heure, on va en parler dans un instant, Jérôme Santolini, les barquettes en plastique à la cantine, ça c'est vraiment le combat de cantines en plastique, hein. C'est une situation qu'on va décrire tout à l'heure parce qu'elle est totalement stupéfiante. Les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les messages, il y a Julie qui nous dit la prochaine fois faites surtout une émission sur le plastique et les parents, plutôt que de parler des enfants. J'adore ma mère, dit-elle, mais elle me refile constamment des trucs en barquette. L'autre jour, une salade de fruits exotiques prédécoupée dans une barquette. Beaucoup de parents ont vécu toute leur vie avec le plastique et donc que ce mot à la bouche, c'est tellement plus pratique. Et il en va de même avec beaucoup d'autres comportements. Je n'ai pas envie de me poser en moralisatrice, nous dit Julie, envers mes parents, mais je ne sais plus comment leur faire comprendre. Alors ça, c'est vraiment le monde à l'envers, finalement, Karine Balzo. Hein. C'est les enfants qui, maintenant, vont inciter les parents à arrêter d'utiliser du plastique. C'est exactement ce qu'on vit, parce que quand, dans les années 60, on a mis le plastique à toutes les sauces, c'était un vrai progrès. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Ouais. Et de revenir en arrière, parce que c'est finalement de se rendre compte que ça a été une erreur, peut être un petit peu long pour la génération des 60, 60, 70, 80 ans, pour qui c'était vraiment un progrès. Jérôme Santolini, une question de Christophe. Est-ce que les tétines, donc en plastique pour bébé, sont toxiques ? Alors, je pense qu'on est sur du silicone, hein, sur les tétines ou des latex, donc je ne suis pas persuadé qu'il y ait des additifs particuliers dans ces tétines. Robert Barouki, mais encore, j'invite l'auditeur à chercher d'une certaine manière lui-même l'information. Oui, bon, enfin, puisque vous êtes là, on en profite aussi, on vous a sous la main, Robert Barouki. Non, je ne sais pas. Enfin, ça doit dépendre des tétines. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Je ne peux pas vous répondre de certaines manière. Certaines pourraient présenter. Je ne sais pas. Enfin, il faut vraiment regarder ce qui est écrit sur la. Je préfère ne pas donner d'informations qui ne soient pas vérifiées. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous avec de vraies réponses, on l'espère, sur franceinter.fr. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillée, le noir à mes c'était Clara Luciani. La tête au carré. Sur France Inter. Bonjour, je viens pour faire le change de marin. Marin, né il y a seulement 3 jours, s'est déjà habitué aux couches lavables. Essayer, c'est l'adopter. Hein. Mélina est maman de 3 autres enfants. Jusqu'ici, elle ne jurait que par les couches jetables. J'étais réticente au départ, parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup de contraintes. Surtout les premiers jours, parce qu'avec les premières selles, j'ai l'impression de faire que ça, de le changer. Donc je m'interrogeais sur le stock. Mais là, c'est bon, j'ai réussi à convaincre papa pour essayer. La couche lavable ne contient aucun produit chimique et tout est réutilisable, sauf ce petit voile que l'on jette à la poubelle avec le plus gros des selles. Donc après, c'est simple, hein, vous posez la couche, le bébé, on plie, et c'est un système de scratch comme les couches jetables, quoi. Et voilà. Depuis lundi, la maternité d'Alençon a banni les couches jetables, sauf pour le premier change et le retour à la maison. Une initiative qui a un coût pour l'hôpital, plus 770 euros par mois. Voilà, c'était en février de cette année sur France 3 Normandie avec les couches jetables utilisées donc à la maternité d'Alençon. Karine Balzo, vous en aviez entendu parler de cette initiative et de l'arrivée donc de ces couches pour lutter contre le fléau des couches culottes en plastique. Alors pour cet exemple-là, non, j'en avais pas entendu parler, mais je trouve que c'est une excellente initiative, d'autant plus qu'on sait qu'au tout début, c'est pas forcément évident. Dans l'immensité des choses qu'on a à apprendre à faire, de s'y mettre tout de suite. En général, les gens qui ont envie d'utiliser des couches lavables le font au bout d'un mois, quand ils sont un peu habitués à leur bébé. Et puis en plus, le gabarit du bébé à ce moment-là est un peu plus gros, donc un peu plus adapté aux couches qui sont lavables. Mais dès la maternité, oui, c'est vrai. Dès la maternité, c'est un super challenge. Ouais. Jérôme Sansouligny, vous aviez entendu parler de cette initiative ? On les a utilisés pour nos 2 enfants, en fait, dès la naissance. Et alors, c'est vraiment simple d'utilisation, on s'y fait rapidement, ou franchement, c'est un peu la galère quand même, hein ? Non, on s'y fait rapidement, on a même réussi à convaincre nos nounous de participer aussi à cette aventure de la couche lavable. Ouais. Mais c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est une solution en fait extrêmement pratique. Ouais. Robert Barouki, les maternités font quand même beaucoup plus attention aujourd'hui à ne pas donner des échantillons toxiques aux mamans. Ça progresse au-delà des couches. Ça progresse. Non, au-delà. Je crois que vraiment ça progresse parce qu'il y a une vraie prise de conscience dans beaucoup de maternités de ces questions-là. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans toutes les maternités, mais il y a toute une série maintenant de labels qu'on pour les maternités pour essayer de faire en sorte, en tout cas, de respecter un certain nombre de précautions à ce niveau-là. Et donc, à ce niveau-là, ça a beaucoup progressé quand même. Et je pense que ça va continuer à progresser. Allez, quelques messages d'auditeurs avant de parler justement du problème du plastique dans les cantines. Dominique nous dit pourquoi ne pas remplacer certains produits en plastique comme les bouteilles de lait par du verre, remettre le système de la consignation au goût du jour. Coralie, elle fait remarquer que les jouets en bois sont de plus en plus en vogue car ils semblent plus écologiques. Est-ce réellement le cas d'ailleurs, Karine Balzo ? Alors oui, c'est le cas si le bois ne vient pas de trop loin. Par exemple, on voit beaucoup de bois exotiques, effectivement, là, du coup, la balance pèse plus lourd. C'était l'autre partie de la question de Coralie, sur l'impact, évidemment, sur les forêts, la biodiversité, parce qu'il faut calculer toute la chaîne. Il faut calculer le cycle total, en fait, de la vie, et faire un peu un bilan global. Ouais. Mais c'est ça qui est compliqué aussi. Hein. C'est assez compliqué, parce que parfois, on croit bien faire, et en fait, c'est pas toujours très très bien. Donc, quand on a une vision un peu plus complète... Jérôme Santolini, comment est-ce qu'on peut trouver, justement, les vraies bonnes alternatives aujourd'hui, lorsqu'on fait des choix qui nous semble en tout cas utile, intéressant et durable, mais il faut effectivement étudier toutes les parties de la chaîne et c'est compliqué, non ? Pas forcément, alors, sans avoir l'air rétrograde, en fait, comment on faisait avant le plastique ? C'est ça aussi la question, et c'est la question qui s'est posée au niveau des cantines. On avait des solutions qui étaient des solutions techniques très très efficaces, durables, inertes, et on est passé au plastique sans véritable concertation. Donc il y a des solutions alternatives, hein, et dans le cas des cantines, ces solutions existent, et en gros, sont utilisées sur les 2/3 du temps. Donc, dans le cas de l'alimentation, on peut éviter le plastique sans trop de difficultés. Jérôme Santolini, Déborah demande si les bouteilles d'eau minérale qu'on utilise notamment pour les biberons sont dangereuses. pas forcément. Ce sont des plastiques qui ont pas trop d'additifs et qui normalement devraient pas trop relarguer. Mais une des questions qu'on se pose, c'est la vie de cette bouteille. Et lorsque vous voyez sur les parkings des grandes surfaces en plein soleil des packs d'eau qui restent plusieurs jours à 30 degrés complètement au soleil, là c'est clair que vous allez avoir une libération de différentes molécules qui sont potentiellement dangereuses. Ouais. Alors, Robert Barouki, les plastiques ne sont pas des matériaux inertes, hein, c'est ce qu'on comprend évidemment. Comment ça fonctionne lorsqu'ils sont chauffés? Parce que là, ça pose un vrai problème justement au niveau de la libération des... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la migration à partir du plastique d'un certain nombre de molécules, en fait, de composés qui sont soit déjà libres dans le plastique, soit qui se débobinent avec la chaleur. Et c'est cette migration, donc ça passe dans l'eau, dans les aliments, enfin tout ce qui est en contact, et c'est ça qui ensuite pose problème. Ce ne sont pas des quantités extrêmement, je dirais, importantes, mais toute la question est là. Est-ce que à des doses relativement faibles, on a ou pas des effets? Et c'est là que la problématique de l'enfant, de la maternité, en fait, rentre en jeu, parce que c'est plutôt les arguments en faveur des effets faibles doses viennent surtout des études faites sur des expositions pendant la période fœtale et la toute petite enfance. C'est, c'est de là que on a les arguments, disons, les plus solides sur les effets faibles doses. Ouais. Donc, c'est aussi cela qui a permis l'interdiction du bisphénol A dans les biberons, par exactement. Exemple. Exactement. C'est des périodes. Alors, il y a un double problème pour la toute petite enfance, et c'est que d'abord, on est plus exposé. Bon, les biberons, par exemple, les jouets qu'on met à la bouche, etc. Donc, on est plus exposé vis-à-vis de ces plastifiants. Et par ailleurs, c'est la période de développement, on grandit, les organes se forment, continuent pendant la vie fœtale, et puis ça continue, le cerveau se développe aussi pendant la petite enfance. Ouais. C'est des périodes de plus grande vulnérabilité à exposition égale. Ouais. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention à ces premiers 1000 jours, hein, on appelle ça les 1000 jours à l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc double vulnérabilité en fait, exposition et effet. Sandra nous dit, l'an passé j'ai accompagné une sortie scolaire à la Maison de l'Environnement. Seulement 5 élèves des deux classes confondues, 5 élèves sur 50, pratiquaient le tri à la maison. Comment pourrait-on aller encore plus loin dans les campagnes de sensibilisation au tri, Karine Balzo? Mais ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. En tout cas, moi, que je me pose tous les jours quand je vois l'état des poubelles autour de chez moi. Mmh. On a l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a les bons élèves, puis il y a ceux qui font n'importe quoi. Je pense qu'il faut qu'on puisse dire que c'est plus possible autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on mette des amendes quand on... Ah, carrément. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution, et ça marche très bien dans les pays où ils le font, que de sanctionner en fait quand c'est pas fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui pensent que ce n'est pas important et qu'ils n'ont pas à le faire. Et tant qu'on leur fera croire que c'est pas grave, ils continueront de faire comme ça. On n'a plus le choix. En fait, on parle beaucoup de la santé, là, du plastique, des migrations. Quand on utilise de l'eau en bouteille, une personne, c'est 365 bouteilles par an. Une famille de 6, ça va être multiplié par 6. C'est une quantité de plastique qu'on met dans l'environnement qui, de toute façon, à terme, reviendra pour nous pourrir la vie, en fait. Robert Barouki, il y a deux choses, au fond. Il y a la santé de la nature et il y a la santé de l'humain. Oui. Donc là, on est dans la grande famille de la santé environnementale, au fond. On est exactement dans ce... Il y a une relation forte entre la santé de la nature et la santé humaine à différents niveaux. Si vous vivez dans une ville avec des espaces verts, des espaces de l'eau, etc. Mm-hmm. Donc on est beaucoup mieux dans ces villes-là. Et donc cette interaction entre les deux, elle est fondamentale et elle est réelle. Et il faut qu'on tienne compte, en fait, des deux aspects. Il n'y a pas de séparation. Il faut vraiment qu'on tienne compte de l'ensemble. Jérôme Santolini, on passe la dernière partie de l'émission dans un instant à évoquer le problème des repas des enfants dans les cantines. Vous connaissez très très bien la question et on en discute avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Attention ! Be can hear my brother sing. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes. Watch it. Hidden brutality. Main prospect was to see. And brutality. McAnuff et Ina de Yard avec Malcolm X. La tête au carré. Nous avons passé plusieurs heures à échanger sur la qualité des produits et des repas servis, mais la qualité doit être au rendez-vous, tant du point de vue du contenu que du contenant. Et le contenu de l'assiette est tout aussi important que l'assiette elle-même. Et c'est donc le sens de cet amendement qui avait effectivement été adopté dans une forme beaucoup plus ambitieuse à la quasi-unanimité par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et cet amendement vise à mettre un terme à l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans la restauration collective scolaire, universitaire et dans les crèches dès 2025 pour les collectivités de plus de 2000 habitants. Il s'agit là, mes chers collègues, de répondre à un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Sanitaire, car les repas servis, aussi sains et qualitatifs soient-ils, peuvent comporter un risque pour la santé de nos enfants s'ils sont préparés, cuits ou réchauffés ou servis dans des contenants alimentaires en matière plastique, quels qu'ils soient. Voilà, c'était la députée LRM des Hauts-de-Seine, Lauriane Rossi, en mai 2018 à l'Assemblée nationale pour cette proposition d'amendement. Et on parle bien sûr des plastiques et des enfants cet après-midi avec mes invités Robert Barouki, Jérôme Santolini et Karine Balzo. Jérôme Santolini, cet amendement est adopté là, ça y est? Oui, il a été adopté à l'automne. On attend encore le décret d'application, parce que le diable peut se loger dans les détails. Donc, il est important de bien spécifier aussi le cadre d'application de la loi et en particulier sur les types de plastique. Voilà, essayer d'étendre au bioplastique en particulier. Expliquez-nous, Jérôme Santolini, cette question donc des repas scolaires des enfants dans ces barquettes, ces poches en plastique qui sont réellement problématiques. Oui, en fait, il y a une invasion du plastique dans la restauration scolaire. Les repas, pour des raisons en fait essentiellement de logistique ou d'organisation, d'industrialisation d'une certaine manière de l'alimentation, les opérateurs ont choisi des techniques de que l'on appelle de liaison froide, qui représentent aujourd'hui à peu près un tiers des cantines en France. Et ces techniques s'appuient sur la cuisson pendant 2-3 jours sous vide dans des poches en plastique, sur la conservation pendant 2-3 semaines dans des barquettes ou dans les poches, le conditionnement dans des barquettes en plastique et la réchauffe ensuite dans des barquettes en plastique dans les cantines. Et il faut bien s'entendre lorsqu'on parle de plastique, parce que ça fait à peu près une heure qu'on parle de plastique, on n'a pas vraiment défini ce que c'était qu'un plastique, en particulier dans le cas des plastiques alimentaires. C'est une terre inconnue d'une certaine manière. On estime qu'il y a, enfin, une étude de l'université de Göteborg et d'Amsterdam qui a estimé entre 4000 et 8000 produits de synthèse présents dans les plastiques alimentaires. Et sur ces 4000, 8000, seulement 1000 sont identifiés. Et sur les 1000 identifiés, 148 sont toxiques. Donc on parle véritablement ici d'une exposition importante d'enfants à ces molécules-là. Oui. Je donne un exemple, sur les poches de cuisson, il y a à peu près 1 gramme par mètre carré de poches de cuisson qui fond au cours de la cuisson. C'est-à-dire qu'il y a 1 gramme de plastique qui se retrouve dans les aliments de vos enfants à chaque repas, d'une certaine manière. Et dans ce gramme-là, vous avez à peu près tout et n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas certifier la composition des plastiques alimentaires au jour d'aujourd'hui. Personne ne le peut, ni les industriels, ni les agences de régulation. Donc on a, vous avez la même chose sur les barquettes de réchauffe, lorsque vous mettez donc les plats, les barquettes de réchauffe, vous avez dans les cantines, mais ailleurs, hein, dans les grandes surfaces, dans la restauration rapide. Dans ces barquettes, lorsque vous les chauffez, elles vont libérer ce qu'on appelle des moches ou des poches, qui sont en fait des espèces d'huiles de vidange, hein, des hydrocarbures, qui vont désorber et se retrouver aussi dans les aliments. Et pour lesquels, lorsqu'on a des données toxicologiques, ces substances sont toxiques. Robert Baroucki, on est face à un problème de santé publique, là, ou pas ? On est face à un problème, bien sûr, puisque c'est l'alimentation et que tout le monde est concerné et qu'il faut voir les choses d'un point de vue global, à la fois, comme dit, ce qu'il y a dedans et le contenant aussi. On évoque là donc un vrai problème en toxicologie, mais qui a un impact en santé publique, c'est le problème de mélange d'un très grand nombre de composés chimiques, mais à des doses souvent extrêmement faibles. Et la question est comment on gère, d'un point de vue de la décision publique, ce type de problème. Donc la première approche, c'est plutôt d'éviter, et ça, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est une vraie question assez difficile sur le plan toxicologique. Yves nous écrit, il nous dit « Je suis gestionnaire en collège et nous employons le moins possible de plastique. Il n'est pas utilisé en cuisson et nous allons bannir totalement son emploi avant la fin de l'année. » Jérôme Santolini, vous, en tant que chercheur en biochimie et en tant que parent, ce problème-là, vous l'avez vraiment, vous en avez pris conscience à quel moment alors ? Lorsque on s'est rendu compte à Bordeaux que comme je vous l'ai dit, que l'ensemble de la chaîne alimentaire était plastifié. Et c'est lorsque les enfants nous ont rapporté qu'ils mangeaient dans des assiettes en plastique que on a commencé à se poser des questions. Et il n'y avait pas véritablement d'informations sur l'usage des plastiques dans la restauration scolaire, donc on a dû aller nous-mêmes chercher et agréger ces informations-là de façon à comprendre comment ça se passait. Donc c'est avec votre collectif Cantine sans plastique que vous avez fait une démarche scientifique pour montrer la présence de phtalates et bisphénol A justement dans certains contenants. C'est intéressant l'histoire du bisphénol A parce que c'est aussi une illustration en fait de la difficulté de la gestion de ces molécules. Effectivement, la mairie de Bordeaux a choisi de faire des tests sur les plastiques. Enfin, elle l'a fait sous la contrainte, je dirais, mais elle a fait des tests sur les plastiques et elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait il y avait du bisphénol A dans les assiettes. Et elle s'en est pas rendue compte parce que elle avait pas les moyens d'une certaine manière d'analyser les données qui lui étaient fournies et elle pensait naïvement que tout allait bien, que tout était réglementaire et ça n'était pas le cas. Et donc dans les assiettes en plastique qui ont été fournies à tous les écoliers de Bordeaux, il y avait du bisphénol A qui est interdit depuis 2015. Et en fait, il est très difficile aujourd'hui d'analyser analyser la présence de bisphénol A dans les plastiques alimentaires. Et lorsque vous regardez les fiches techniques des fabricants, il n'y est inscrit nulle part absence de bisphénol A. C'est juste le distributeur qui rajoute qu'il n'a pas rajouté intentionnellement de bisphénol A dans les granules qui lui ont été fournis. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de traçabilité de présence de ces molécules interdite dans la restauration scolaire. Qu'est-ce que vous préconisez, Jérôme Santolini, à tous les parents consternés qui nous écoutent en ce moment, et puis également à tous les professeurs, les gestionnaires de collèges ou de maternelles? Alors, pour le premier point, le deuxième point, c'est la question de la gestion des cantines, elle se fait à différentes échelles. Lorsque vous avez des écoles primaires, c'est les mairies, les collèges, ça dépend des conseils départementaux, et ensuite vous avez les régions pour les lycées. Et en fait, lorsque vous augmentez en taille d'établissement, vous maintenez généralement des cuisines sur place. Et lorsque vous avez une cuisine sur place, vous ne faites pas trop appel, en fait, à du plastique dans votre process. Ça n'est pas le cas lorsque vous avez des petites écoles, où généralement vous faites appel à des prestataires, qu'ils soient des régies publiques ou des prestataires privés, qui eux font appel plutôt à des systèmes de cuisine industrielle d'une certaine manière, et font appel justement à cette pratique de la liaison froide qui est obligée d'utiliser du plastique au cours de son process. Donc c'est la difficulté pour les différents gestionnaires d'adapter leur process industriel aux risques sanitaires. En ce qui concerne les parents, il y a aujourd'hui, suite à notre mobilisation, une soixantaine de collectifs qui s'est formé dans toute la France et qui viennent demander des informations, des comptes aux différents opérateurs et aux pouvoirs publics, de façon à être sûr que les pouvoirs publics et les opérateurs protègent leurs enfants. Et ça s'appelle Cantine sans plastique, hein, c'est votre association, et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens pour essayer d'aller plus en avant et d'en faire plus et mieux, surtout autour de cette question du plastique. Guy nous dit, et l'éducation, j'étais instituteur ayant pratiqué le tri sélectif en classe, mais je n'ai jamais vu d'autres classes en faire autant. Alors bon, il y a encore des progrès à faire. Et puis Sabine nous dit, j'ai 70 ans et je trouve ça humiliant d'entendre ma génération décrite comme celle des gens qui ne comprennent rien au danger des plastiques. Même si dans les années 60, la facilité d'usage ont pu faire croire à une invention prodigieuse, nous sommes capables d'évoluer, de nous informer, de regarder autour de nous. Et évidemment, je voulais vous passer ce message. Merci beaucoup à tous. Défi zéro déchet, Karine Balzo. C'est Rustikid, 32 défis à relever pour protéger la planète. Et puis cet autre ouvrage par le collectif, justement, Cantine sans plastique. Pas de plastique dans nos assiettes. Merci beaucoup à tous les trois et merci aux auditeurs pour les messages.